Thank you.

I'm so alone. Oula, on s'en va loin là. Sur le synthé. Ouais, si tu veux. Est-ce que vous entendez ma basse ? We'll be right back. choisi. Là. Attends, j'ai un problème. Vas-y. Un. Test micro. Test micro. Un autre batteur à la batterie. Dirty Deeds. Dirty Deeds Made in England. English man. Mmh. Wolfman. Disco. Three, four. We'll be right back.